petite mélodie basée sur un rythme. Que fais-tu là? On ne t'attendait pas. Quand tout le monde pensait que mon métier consistait à faire couler du café. Voilà pourquoi tu es là. Durant des heures, je t'ai cherché, courant après les mots qui se pressaient. Quand dans ma vie, je ne savais pas comment dire les choses aux gens à côté de moi. Voilà pourquoi tu es là. Précipiter autour de ma voix pour m'accompagner. Toutes ces notes pour lesquelles je vibrais, pour raconter l'histoire que je vivais. Les apparences m'ont parfois troublée, les sentiments m'ont souvent sauvée. Quand par ma plume j'ai su trouver l'encre à laquelle je puisse me raccrocher. Voilà pourquoi tu es là. Et si un jour tu m'échappais, que ma mémoire se mette à flancher, j'espère retrouver au fond de moi cette petite mélodie qui vivait en moi. Et c'est pourquoi tu es là. Et c'est pourquoi tu es là. Guitare et violon se sont précipités autour de ma voix pour m'accompagner. Toutes ces notes pour lesquelles je vibrais, pour raconter l'histoire que je vivais. Que je vivais, que je vivais.